C'était l'histoire d'un groupe finlandais qui chantait du a cappella. Et un jour, un geek qui était fan de Bleach a une idée dingo. Orihime Inu est tourné un poireau devant Ichigo. Et bizarrement, c'est ce passage-là qui est fou, mais en fait, c'est qui est fan. Je piche pas bien ce qu'il y a de fun à tourner un poireau. Est-ce que c'est ce flash look débile qui a rendu célèbre Bleach? Y'a des variantes fun de ce truc aux États-Unis, on l'appelle l'X-Spin. En France, on dit la fille au poireau, mais en fait, c'est qui est fan. On attendait le commercialiser avec une pauvre ânesse qui danse le twist avec une fausse inoue juste derrière. Au Japon, la polka a été remixée avec Hatsune Miku. Bien sûr, elle agite un poireau aussi, mais en fait, c'est qui est fan. Aujourd'hui, je me demande jusqu'où ça peut encore aller. Je veux un t-shirt de Itouma, je veux voir leur concert en France. Je veux regarder Bleach et puis manger des poireaux tout crus. Je veux tout faire pour savoir enfin au fait qui c'est cet Evan. Et on fait tourner les poireaux! Aujourd'hui je me demande toujours qui c'est cette Yevan. Même après avoir écrit tout ça, je ne sais toujours pas. Ça y est, la vie,